mele. La nuit porte conseil, ma femme mele. L'amour près de leur pas. Dans les verres de ceux qui s'aiment. Avec qui partagerai mes peines. Maman, mon nom va pas guérir. Thank you. Je suis une personne.